Chapitre 2e. Mrs. Gord avait un vieil oncle pour lequel elle nourrissait la plus tendre affection, ayant appris à le connaître autant que sa douce mère vivait, où Peter n'était pas marié, et où l'on était parfaitement heureux, selon elle, dans le vieux château délabré. Après le mariage de son neveu, on ne vit l'oncle Joachim qu'une fois. Quiconque avait goûté l'hospitalité de Lady Estcourt ne donnait jamais signe d'y vouloir recourir de nouveau. Suzy, lorsqu'elle entendit parler de ce parent, s'était inquiétée tout d'abord, en vrai Dobbs, de savoir ce qu'il pourrait laisser par testament. Ayant appris qu'il était amplement pourvu d'héritier direct, elle trouva assez inutile de se mettre en frais de politesse pour le recevoir. Jugeant rude et barbare les simples manières de l'honnête Obron, elle ne se fit pas faute de dauber sur lui à sa barbe, de le négliger ou de lui montrer avec sa franchise coutumière qu'il lui était à charge, bref, de prouver sans conteste que ses manières à elle étaient infiniment au-dessous de celles d'un Poméranien quelconque, mangeait-il sa sauce avec son couteau, ou prononça-t-il avec intrépidité toutes sortes de mots innocents qu'interdit le code mystérieux des convenances aux Anglais les plus mal appris. Joachim, au surplus, ne se laissait aucunement déconcerter par le manque de courtoisie de son hôtesse. Qui s'occupe de ce que peut dire ou faire une petite parvenue, une Geborene Dobbs, une née Dobbs? Le cher oncle avait ses préjugés tout aussi vigoureux que ceux qui peuvent faire rire à Birmingham. Il enveloppait la bourgeoisie tout entière dans le plus parfait mépris, et ne pardonnait pas un gentilhomme de se mésallier. Sans s'inquiéter des incartades de Suzy, il poursuivit donc, imperturbable, le double but de son voyage, qui était de visiter en détail la ville de Londres et de s'assurer, par le témoignage de ses yeux, que sa chère et jolie nièce était heureuse. Aussi ravi de sa visite que Suzy l'était peu, Anna, mettant de côté tous ses engagements mondains, se constitua sa compagne assidue, et tout en visitant les diverses curiosités de Londres, ils s'étaient attachés l'un à l'autre plus solidement que jamais. Ils parlaient allemand, l'oncle corrigeant implacablement la plus petite faute, et la nièce se laissant corriger de bonne grâce. Prenant démocratiquement l'omnibus, si la distance à parcourir était grande, car en dehors de sa terreur des hansom cabs, Joachim prenait en toute chose une sage économie, marchant bravement si la course était modérée, et tout le temps sans y paraître, le vieillard interrogeait la jeune fille, apprenait ce qu'il voulait savoir. La mère d'Anna était sa sœur unique et très aimée, et quoique, de prime abord, l'idée de venir visiter la plébéienne Suzy fût désagréable au vieil aristocrate, il s'était dit qu'il devait bien cela à la mémoire de la chère morte. Anna avait atteint un âge où, célibataire, elle eût été irrévocablement qualifiée de vieille fille en Allemagne. Que signifiait cela? L'année Dobbs devait être au fond coupable d'un état de choses aussi anormal. En tout cas, son devoir à lui, Joachim, était d'y aller voir, et s'il était nécessaire, d'y porter remède. « Mon opinion est faite, » dit-il soudain au milieu d'une promenade à Hampton Court. « Le bon Peter est un Quatschkopf. »« Un Quatschkopf ?» répéta Anna, dont la science en allemand n'allait pas jusqu'au terme d'opprobre. « Qu'est-ce que cela ?»« Un Quatschkopf, c'est un Dusselfritz, » expliqua lumineusement l'oncle Joachim, avançant sa lèvre avec dédain. « Je crois bien, méchant oncle, que vous êtes en train de donner de vilains noms à mon frère, » dit Anna, glissant son bras sous le sien. « Eh bien, ma fille, si tu veux le savoir, un Quatschkopf est un garçon assez sot pour épouser une femme pareille, là. »« Oncle Joachim, » protesta Anna, toujours prête à défendre les absents, « vous n'êtes pas juste, réfléchissez un peu. Peter n'a-t-il pas agi en homme de tête en faisant ce mariage ? Et n'est-ce pas elle, pauvre âme, qu'il faudrait plaindre d'y avoir trouvé si peu de bonheur ? Il agit comme un sot, » persista l'oncle. « Quant à la Geborene Dobbs, c'est une vulgaire parvenue, et qui, par-dessus le marché, n'est pas assez riche pour justifier les vices de l'emploi. Pas assez riche. Mais nous sommes déjà suffoqués par sa fortune. Que serait-ce s'il y en avait davantage ? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Une pareille femme devrait être milliardaire. C'est la seule excuse que pourrait avoir un gentilhomme pour imposer cette mère à ses enfants. « Remercions le ciel qu'elle ne le soit pas, » dit Anna avec ferveur. « La vie ne serait pas tenable s'il fallait entendre parler d'argent plus que nous ne faisons. Oh, je hais le seul nom d'argent. Sottise, l'argent est fort bon, pas celui des autres. » Fit Joachim songeur, puis soudain. « Explique-moi comment il se fait que tu ne sois pas encore marié. Oh, » protesta la nièce, « allez-vous parler comme Suzy ? Elle te pose souvent la même question. Elle ne questionne pas, elle affirme. Elle dit que j'effraie tous les prétendants possibles. « Sottise !» répéta l'oncle, avec un regard affectueusement approbateur à la suave créature qui marchait près de lui, pétrie de grâce et de douceur. « Non, elle dit au fond ce qu'est vrai, que je suis maussade avec eux, que je ne sais leur donner aucun encouragement. Mais je vous le demande, oncle Joachim, est-ce une chose possible pour une personne qui se respecte d'encourager, comme elle dit, un malheureux célibataire uniquement parce qu'il a de l'argent ? La seule idée est simplement horrible. Non, je n'achèterai jamais l'indépendance à ce prix. D'ailleurs, ce ne serait pas de l'indépendance. » « C'est la seule qu'il y ait pour la femme, » trancha l'oncle avec décision. « L'honneur et la gloire de la femme, c'est de s'appuyer sur un bon mari. Hors du cercle de son foyer, il n'y a point de bonheur pour elle. La femme qui ne se marie pas manque sa vie. » « Je pense autrement, » dit Anna. « Tu as tort. Regardez Suzy, est-elle heureuse ? J'ai dit un bon mari, non pas un jobard. Quant à moi, je donnerais tous les maris du monde pour être indépendante. Ne répète pas cette sotte parole, » fit l'oncle avec impatience, « qui a bien pu te mettre en tête de parer Bilbesé, dans ta jolie tête qui a été fabriquée tout exprès pour reposer sur l'épaule d'un honnête homme. Ne me parlez pas d'appuyer ma tête sur une épaule quelconque, » protesta Anna, à son tour impatientée. « Toute mon ambition est de la tenir droite. Et la seule épaule d'homme sur laquelle je m'appuierai jamais est celle-ci, » acheva-t-elle, pressant d'un mouvement câlin le bras de l'excellent oncle. « Petite sorcière, va, mais tu as tort tout de même. J'ai raison. Ah, si j'étais prédicateur, savez-vous quel serait le texte éternel de mes sermons ? L'indépendance. Mes chères sœurs, secouez le joug, relevez-vous, volez de vos propres ailes, renvoyez toutes les lisières, tous les tuteurs, toutes les béquilles, tous les soutiens qu'on vous offre perfidement. Trébuchez, rampez, tombez s'il le faut, mais pour l'amour du ciel, marchez seul. » Je n'ai encore jamais rencontré une personne chez qui la nécessité d'une bonne tutelle masculine se montra si clairement, dit l'oncle Joachim, considérant sa nièce d'un œil méditatif. « N'as-tu jamais aimé, jeune fille ?»« Si fait, » dit Anna promptement. « Eh bien, oh, c'était un jeune homme raisonnable. Je n'ai pas un sou brillant, vous le savez. Il s'est retiré et en a épousé une autre, très riche. » Elle eut un rire insouciant. « Cela, » prononça Joachim, « ce n'était pas de l'amour. » « Mais si, je vous assure. Allons donc, rirais-tu ainsi ? C'est en tout cas ce que j'en ai connu. Et je puis vous dire que l'accès a été fort, tant qu'il a duré. J'ai mis 2 ans à m'en relever. Et les tracas qu'il m'a causés ? Si vous saviez les peines que je me donnais pour me rendre irrésistible à ses yeux, les heures que je passais à ma toilette, les tortures que j'endurais si je ne me trouvais pas coiffé à mon avantage. Ma femme de chambre vivait sous la menace perpétuelle d'un renvoi. Et les complots que je faisais pour le rencontrer. Jamais je n'étais aussi artificieuse, ni avant, ni après. Au fond, c'est une bénédiction que la chose ait pris fin. « Cela n'était pas de l'amour, » répéta l'oncle avec dédain. « Comment, après ce que je viens de vous avouer ? Non, mon enfant, et tu n'es qu'une petite oie, » dit Joachim, corrigeant le mot par une tape amicale sur la main fluette appuyée à son bras. Ainsi devisant, tandis qu'ils exploraient la ville de Londres dans tous ses recoins, il apprenait à la connaître aussi bien que si elle eût vécu près de lui toute sa vie. Mais bientôt leurs excursions allaient être interrompues brusquement. Au vif chagrin d'Anna, à la joie non dissimulée de Suzy, des messages pressants rappelèrent chez lui le vieux gentleman farmer. « Mais pour ceux qui sont indisposés, le régisseur m'écrit que mes cochons meurent sans s'arrêter, » s'écria-t-il, certains matins à déjeuner, après avoir ouvert coup sur coup 2 ou 3 télégrammes. Tout son fragile anglais s'en alla en pièces sous l'empire de l'émotion. « Il faut que je parte sans perdre un instant, » reprit-il. « Dieu te garde, Anna. » Il l'embrassa avec tendresse, et presque immédiatement, un fiacre appelé en toute hâte, emportait l'oncle et sa valise. On ne l'avait plus revu. « Mes pourceaux sont indisposés. Mes cochons meurent sans s'arrêter, » répétait Suzy, contrefaisant l'accent du brave teuton, lorsque sa belle-sœur, tout en larmes, revint dans la salle à manger après avoir dit adieu à son seul ami. Anna fut obligée de visiter Saint-Paul et d'y prier très assidûment à la suite de cet incident avant de sentir qu'elle avait pardonné à Suzy.